Qui es-tu? D'où viens-tu? Belle femme en jeu sans poids, qui trouve ses manières calmes, apaisées après la tempête. Est-ce l'éclat peut-être un aube caché par tes joues dorées, imperceptiblement à tes côtés, les feuilles des chênes renaissent. Et je fais de mon monde le tien pour une caresse ou un semblant. Bonheur tronqué, retrouvé, auquel je m'accroche, naufragé en mer. Oui, je désire maintenant être avec toi, caressant les fleurs du páramo, cultivant les manguières et l'herbe d'Éden, déchiffrant les chants des cigales au crépuscule.